cas menacé. Ouvrez votre là, ou moi fais ça caché. Et nous qui profiter pour nous causer. Oh darling, vous qui cavouez l'amour qu'on bel tableau. Attention pour lui, pas jamais, jamais contre l'eau. Parce que la vie, pas qu'a fait nous cadeau, cadeau, cadeau. Moi te peux compter si vous, comme peut compter si moi, ou que bien vrai, si ça pas possible, si si crié pas tenu, y'en des branches pour te poser, en qui j'en la vie te que, pour l'aider, en des mots quatre paroles, moi que tu tout ça, moi ni pour dire. Détends toi mouvement, nous que prenons une décision vraiment. Fou qu'a couru fou, mais qu'on est bien, oh la ni chaillé. Et où qu'a baille la vie, c'est l'amour qu'a baille en même temps. Darling, oh oh. Darling, au petit matin, tout rêve qu'a disparaît. Comme si c'est la fumée à cigarette. Ça qu'a vini, demain nous pas connaître. Darling, si vous avez trouvé moins trop sentimental, moi-même pour moi, ça tout à fait normal. Et si moi qu'a tout, tout ça c'est parce que les ou te dit moi goodbye. Ou dans les ou te rivière. Et moi même c'était pas. Mais mille en dans les fait potaille. Ou dans les qui côté ou te rivière. Balade créole, ou dans l'île, ou nous, tout est la pluie tombée à Sitton, ou dans l'île, mi anti balade créole, avec des mots et quatre paroles. Ça, moi te que flèche que vous senti ça. Oh darling, oh. Moi te que flèche que vous comprenne ça. Moi te que flèche vous senti ça. Pour nous veiller si petit, pas petit qu'à grand TV. Pour nous veiller si petit, oh darling. Aspiti ka grandifi, ou va nou veye sou piti poa.